traz-me força para seguir a andar. Eu não me encontro, tenho medo de chegar. Entre sombras voltam os abutres da premonição. Arc-en-ciel. She's a bad man, my jammer. Oh. Et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, il est 13h37, voilà donc, bienvenue à l'écoute d'un concert, bienvenue en compagnie, bien sûr, de Nicolas, jusqu'à 17h pour l'émission Musique Dance. Voilà donc, on a pu débuter l'émission avec un morceau de disco, puis on va continuer, bien sûr, avec beaucoup de chansons différentes. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Emmanuel, et puis juste après, c'est Jérôme et le groupe Téléphone. Jamais souri si tendrement, je crois, tu es là.

moi. Arc-en-ciel. Soko avec Marcien Bella et puis juste après Philippe Laville. Por vestir de negro. dans ta bouche est immense. Quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on sent en toi? Mais c'est l'amour qui t'a assassiné, ma tia. C'est l'amour qui t'a consumé, ma tia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Franzial et puis suivi tout simplement Jelmas, c'est le groupe aussi Niagara. Les arbres ont des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille. Détache plein sa blouse et sa sa barbe en bataille. Ses alpins laisse s'accomplir la magie de ses mains. Ses alpins, il éclaire le monde pour nos yeux. Il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair. Regardez Dieu. Ciel. Voici donc, eh bien, Laurent Voulzy, et puis juste après, ce sera Pierre Maffley. We'll be right back. Je le réveille le matin et tout me revient. Je l'aime, je l'aime. J'ouvre la radio, torrent de mots. J'aimerais qu'on le dise. Il aime, il aime. Je mets ma chemise, un coup de peine. Je bois mon café de sucre à peine. Et mes pensées sont toutes les mêmes. C'est insensé. Je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce qui m'arrive? Je descends ma rue, je prends l'avenue, toujours la même. Feu rouge première, les gens derrière. Déjà le feu vert, avenue du Maine. Comme un automate, je tourne à droite. Déjà les problèmes, la vie, les coups. Suis-je un acrobate ou suis-je fou? Mais dis-moi tout, marionnette. Je le ficelle à mon destin. Tu me fais faire un tour de piste. Mais où je vais, je n'en sais rien. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Mon cœur de bois soudain s'arrête. Que feras-tu de tes artistes après la fête? Je revois la scène exactement avant-hier. Elle est entrée au restaurant. Elle s'est assise devant moi. D'un coup j'ai compris que dans ma vie j'avais dormi depuis 30 ans. Et foudroyé par ce tonnerre, je suis tombé dans sa lumière. C'est comme une course au corps à corps. Elle n'a qu'un seul mot, encore, encore. Elle n'a qu'un seul cri, l'amour d'abord. Elle n'a plus qu'un corps et moi aussi. Et par la fenêtre, on voit Paris. J'ai rêvé peut-être où j'ai dormi. Et tout d'un coup, je vis, mais dis-moi tout. Marionnettiste, j'ai des ficelles. Tu me fais faire un tour de piste. Mais où je vais, je n'en sais rien. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Mon cœur de bois soudain s'inquiète. Que vas-tu faire de tes artistes après la fête? Et dans l'ascenseur, cogne mon cœur. Je sonne et je vois un mot pour moi qui dit oublie-moi, qui me supplie. Va-t'en, ça vaut mieux pour tous les deux. Chacun son chemin, même s'il est triste. Chacun son chagrin. Adieu l'artiste. Et sur le trottoir, je m'en vais comme ça, main dans les poches. J'entre chez moi, maréchal Foch, au bar tabac. Je prends un café et ça me brûle. On n'oublie jamais, on accumule. J'aimerais arrêter toutes les pendules. Une voix là-haut me dit debout, mais dis-moi tout. Tu me fais faire des tours de piste. Mais où je vais, je n'en sais rien. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Mon cœur de bois soudain s'inquiète. Que fais-tu donc de tes artistes après la fête? Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Chanson portugaise et puis on écoutera un autre et puis juste après les portugais ça sera tout simplement François Feldman. Sou areia demais pra tua caminhoneta.

Voici donc, et bien donc, François Fennan, et puis juste après, Indochine. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça? une chanson. Voici donc Caroline Verdici. Puis juste après elle, on écoutera Isabelle Adjani. Et je cherche quelqu'un sur le flipper des magiciens, au poker menteur du destin. Par la main, pour la vie ou pour un câlin. Quelqu'un, pas n'importe qui, mais quelqu'un. Un artiste ou un bohémien. Un amour venu de si loin. Daniel Balawan. rêve. J'ai recollé tous les morceaux, tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y'a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. On se retrouve juste après. sur Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec deux titres de rock et puis l'autre, ce sera du twist. Man, what happened to her plan? She was gonna be an actress, she was gonna be a star. She was gonna shake her ass on the hood of White Snake's car. Her yellow SUV is now the enemy. Looks at her average life, and nothing has been alright since we screamed see Madonna. Way before Nirvana, there was you two and Blondie, and music's still on MTV. Her two kids. They tell her that she's uncool, cause she's still preoccupied with 1985. She's seen all the classics, she knows every line. Breakfast Club, Pretty in Pink, even St. Elmo's Fire. She rocked out to Wham, not a big Limp Bizkit fan. Thought she'd get a hand. Bring back. Yeah. Voici donc les Whispers. Et puis juste après eux, ce sera tout simplement Starmania. Je passe la moitié de ma vie en l'air, toujours en première. J'ai mes résidences secondaires dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Au moins êtes-vous heureux. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour, puis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, n'y a qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Est-ce que tu veux, mon vieux, dans la vie on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur. l'instant, je vous laisse avec deux groupes différents. Le premier, Cool and the Gang, et le deuxième, c'est Imagination. arc-en-ciel. Voilà donc, avant de retrouver d'autres chansons, voici donc les grilles des programmes des animateurs, tout simplement. Tout simplement de 18h jusqu'à 21h, vous allez trouver l'émission Electric Choc avec Christophe, et puis une autre émission qui suivra à partir de 21h jusqu'à 23h avec Electric pas Choc, mais c'est Electric Live avec un autre Christophe. Nous serons déjà mercredi, si vous allez retrouver à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor, juste après dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria, et puis juste après entre 16h et 18h, Zik d'ailleurs. Et puis après en soirée à partir de 18h jusqu'à 19h30 avec Violette, et puis juste après entre 19h30 jusqu'à 21h avec Carla. Et puis le jeudi matin avec Armer Giro entre 9h jusqu'à midi. Voilà, comme je l'ai dit, on continue bien sûr les chansons et je vous laisse avec tout simplement le country et puis juste après le twist. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Take me home to the place. summer's evening. On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, head off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold, when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done. We'll be right back. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voilà donc, on retrouve les chansons. Voici donc eh bien Claude Barzotti, puis suivi de Linda de Souza. Elle a fini par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi, je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Sois d'elle. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Je serai bon perdant. J'aurai beaucoup de mal si tu l'aimes vraiment. Fais attention, elle s'enrhume au premier frima de l'hiver. Elle craint la brise et la brume. Protège-la des vents contraires. Prends bien garde à ne pas la perdre, à ne jamais la décevoir. Elle n'est pas de celles qui restent en s'accrochant à leur mouchoir. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, mon garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaie-moi de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Bien soin d'elle. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurais beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Prends bien soin d'elle. Sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle. Je sais, vous portez des bijoux, moi, je n'ai rien. Je sais que ce regard jaloux qui me va bien, c'est vrai. Je n'ai pas peur de vous, je n'ai aucun secret. Je sais, il n'a jamais un sou, mais je l'aime comme il est. Je viendrai à genoux s'il me le demandait. Comme de l'amour, je n'ai que lui, sera fort. Mais ne rêvez pas trop, un jour il partira. Je sais, vous croyez tout savoir, vous n'avez rien compris. Assez maintenant brouillante, à tous ces ciels de pluie. Ce n'est pas votre histoire, mais c'est tellement ma vie. On se retrouve à table avec des filles un peu rougeaudes. Après le vin blanc, le foie gras, la poule faisane. Après le café, le pouce tisane. Lorsque les servantes s'assoient sur nos ventres, on chante pour faire quai ce refrain pas très distingué. Le gibier manque, les femmes sont graves. Chantent en chœur les 80 chasseurs. D'un frangin ou d'une frangine, on se retrouve à table à la soyeuse margarine. Quand la viande rouge a gonflé de sève nos veines, jetant des élans païens dans nos pensées chrétiennes. À l'heure où nos femmes rendissent et se pâment, on chante pour faire gai ce refrain pas très distingué. Le gibier manqué, les femmes sont rares, chantent en chœur les 80 chasseurs. Suite sous la table. Sandra Kim, et puis juste après, on écoutera Goldman. Je vois des gens tourner le dos, comme j'étais pas. Je m'en fous. Sont tous des frères. pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. Voilà donc, après Renaud, je vous laisse avec Whitney Houston et puis Blondie. Voici donc, eh bien, Jess Quing, et puis juste après, Patrick, c'est Sabine Paturel. Démonter le

cette chanson. Tous les paysans et toutes les paysannes, tous les paysans dansent dans leur campagne. Tous les villageois et toutes les villageoises, tous les villageois dansent sans entreprendre. Ne pas à gauche, ne pas à droite, un petit tour et ça y est, ça recommence. Ne pas à gauche, ne pas à droite, un petit tour et puis hop, c'est reparti. Bien sûr, l'accordéon, tout simplement. Et bien, comme on se retrouvera pas dimanche prochain, mais on se retrouvera donc bien d'autres dimanches, dans 15 jours, pour l'accordéon. Donc, c'est pour ça qu'on va finir l'émission avec l'accordéon. Passer tout simplement un très bon après-midi avec les chansons, tout simplement. Donc on va se retrouver mardi prochain, mais aussi on se retrouve tout simplement vendredi, pareil, à partir de 13h30. Voilà donc, là, je vous dis pour ça à tous et à toutes. Ouais. Toi ma belle, tu viens danser au bal du samedi soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal du dimanche soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal du jeudi soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal de chaque soir. Au bal du samedi soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal du dimanche soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal du jeudi soir. Toi ma belle, tu viens danser au bal de chaque soir. 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Quoi, tout de gauche? Non, c'est le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel fête son anniversaire avec une soirée rouge-gauche. Inscris ton groupe et remporte le panier garni. À partir de 20h30, rouge-gauche, suivi du bal, soirée dansante avec Johnny Valls, puis le grand ou Mike the Gaite, oreille de la concertine, fera son show. Entrée 10 euros. Adhérent, 8 euros pour celui qui est à jour de sa cotisation. Gratuit pour les moins de 10 ans. Buvette et restauration rapide sur place. Bifanche, sandwich, moelle, gésier et gâteau. Le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Venez nombreux et souhaitez un bon anniversaire à notre belle radio. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Entreprise Olivade, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Sabemos que não há melhor retorno que o investimento feito nas pessoas e no ambiente. Por isso aplicamos o nosso dinheiro na proximidade, na interajuda, no desenvolvimento social e na sustentabilidade. No crédito agrícola, acreditamos que não é o dinheiro que faz girar o mundo, mas sim o bem que se pode fazer com ele. Crédito agrícola. Estamos cá por um bem maior. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto ao Banco de Portugal, sob o número 9000. C'est l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. 10 ans. 10 ans que votre magasin vous accompagne au quotidien. 10 ans à vous proposer un large choix de produits venant de tout horizon. 10 ans que vous lui êtes fidèle. Alors, pour vous remercier de votre soutien et pour célébrer ces 10 années d'activité, rendez-vous le dimanche 26 novembre à partir de 10h et ce jusqu'à 19h30 pour fêter l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais.